Total. Demain, ça n'existera plus. Ou alors sur le truc de Ninbot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est téléphone ça? Apparemment c'était un morceau de téléphone ça. Ouais. Un morceau de téléphone. Mike, il a perdu guitare rig. Cherche, tu vas le retrouver.